Amis golfeurs, votre marché Richelieu Flora la Chance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités pour le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin pour vous. Régalez-vous aussi de nos exquises rosettes de saumon farci au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées et savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez Marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime, qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. C'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec le président, ce coup-là, Martial Bouchard. Salut, Martial. Bonjour, Denis. Martial, est-ce qu'on est content du côté de l'organisation du conseil d'administration du club de golf de Saint-Prime, de la tournée des événements de la dernière fin de semaine? Oui, effectivement, on a fait une très belle fin de semaine. On a eu à peu près 1500 personnes qui ont foulé notre terrain, qui ont constaté qu'on avait un terrain d'une excellente qualité. On a été félicité par le design. On a eu des visiteurs d'extérieur, des gens qui sont propriétaires de terrains de golf bien connus au Québec et ils ont donné tout leur accord, leurs félicitations sur le nouveau design du parcours. OK. Là, Gilles, la dernière chronique, il m'avait dit je passe la fin de semaine avec M. André Aymon. J'ai essayé de lui parler, ça n'a pas marché. Mais il a dit on va parler peut-être de partenariat possible. Est-ce qu'il y a de quoi annoncer aujourd'hui? Non, on a jasé avec lui là, presque une journée au complet là, où on l'avait comme invité. Là. Ouais. Mais il n'y a pas été question de partenariat. De toute façon, c'est pas non plus dans les cordes du club de golf La Tempête là, d'établir des partenariats, quoi que ce soit, avec des clubs de la province. Okay. Ils ont un créneau vraiment spécifique qu'eux autres. Là. Fait que je pense que c'est plus une question d'échanger sur des façons de dynamiser le golf qui était venu voir avec notre week-end golf. OK, OK. Dis-moi, au point de vue net, c'est sûr que tu accordes de bonheur. Je vais te parler au point de vue net parce que toi, tu es très impliqué dans le domaine des finances. Puis c'est que tu regardes pas les revenus, tu regardes au net. Est-ce que l'activité va avoir été assez positive pour vraiment peut-être dégager un surplus net la dernière fin de semaine? Oui. Bon, je suis convaincu qu'on va dégager un surplus, contrairement à l'année passée. Ouais. L'année passée, on avait investi peut-être... on avait des dépenses qui étaient peut-être superflues. On a voulu mettre ça vraiment au goût du jour. Puis cette année, ben, on est allé un petit peu plus sobre et avec des activités plus aérées, ce qui a permis de dégager des surplus. Je veux pas le montant, là, mais ça a pas coûté de l'argent, le week-end golf. Ça, c'est bien entendu. OK. Dis-moi maintenant. Donc, c'est un beau partenariat. C'est pas mal le fun. L'activité de Las Vegas, là, je sais que tu as passé très près de le gagner. Comment... Oui. donc, comment ça a fini finalement? Est-ce que c'est qui s'en va là-bas, là? Ouais, c'est Jean-Sébastien Desgagnés qui a réussi, dans le fond, 6 trous en un coup. Donc, ça faisait comme 6 birdies. Et il y a François-Olivier Lamontagne qui en a fait 5 et moi-même qui en a fait 5. Alors, aller jusqu'à une demi-heure de la fin, j'étais toujours le meneur, mais tout à coup, dans la dernière demi-heure, il y a eu un 5 et un 6. Ce qui fait que c'est Jean-Sébastien qui va se ramasser à Las Vegas. OK. Il y a combien de personnes qui ont fait le potting? Bon, il y a eu à peu près, là, je te dirais, 180 personnes qui ont essayé, mais là-dessus, il y en a qui ont essayé 2 puis 3 fois. Là. Okay. Dans le fond, ça a été bien. Il y avait une dynamique aussi. Là. Il y avait beaucoup de spectateurs. Il y a des gens même qui payaient pour voir jouer des potteurs qui avaient plus d'expérience que d'autres ou plus d'habileté. Fait qu'il y en avait qui étaient commandités là-dedans. Fait que donc, ça a été un beau petit challenge. Puis finalement, il y a eu des gens qui ont fait des compétitions, des duels plutôt, un contre un, puis en faisant le parcours tout en s'amusant. Donc, ça a été très agréable en attendant la finale de Long Drive. OK, OK. Donc, c'est un succès sur toute la ligne, l'activité d'en fin de semaine. Oui, la seule chose, c'est que vendredi, le temps était incertain. Donc, on savait pas trop, donc on aurait aimé qu'il y ait plus de monde qui vienne assister à l'activité, mais on avait quand même une bonne foule, mais s'il y avait fait beau et le temps aurait été sécuritaire, possiblement qu'on aurait pu au moins ouais, 50 % de plus de spectateurs. OK, OK. Ben, c'est bien bravo. C'est le fun, le fun. Martial, puisqu'il est question, Gilles, la semaine passée, nous a annoncé une belle nouvelle. La MRC Domaine du Roy va aider le club de golf un montant récurrent de 35 000 $. C'est quelque chose que vous aviez envisagé. Est-ce qu'on est content du côté du... Ah oui, on est très heureux. Écoute, ça démontre que les élus de la MRC là, font vraiment des gestes cohérents avec leur vision de la MRC d'être le plus attractif et hautement distinctif. Donc, le club de golf est un outil essentiel au développement d'une MRC, l'attraction de nouveaux talents. Donc, les gens ont pris ça en considération et ils nous ont donné un coup de main qui va permettre là d'une stabilité, je te dirais, là, d'assurer la pérennité du club. Au lieu de 5 ans, là, peut-être qu'on va faire un 10 ans là, ça, avec les paramètres financiers qu'on a actuellement. Et évidemment, on va rechercher encore d'autres solutions de maximiser l'utilisation du club. Nous autres, on a du temps et de l'espace, donc il faut maximiser ça. Donc, on est ouvert à toutes sortes de projets qu'on pourrait éventuellement là, réaliser sur le parcours. OK. On parlait à un moment donné d'un genre de terrain. Je sais que c'est une ancienne organisation, là, un terrain l'hiver qui pourrait être transformé en genre de sentier pédestre et ainsi de suite. C'est-tu des cordes encore? Bien, on n'a pas de projet sur la table. On est à l'écoute de tout projet qui pourrait amener de l'achalandage puis qu'il pourrait permettre d'utiliser cet outil-là là, de façon là, optimale. Un peu comme les chaque municipalité a son terrain de jeu, son centre sportif. Ben, je pense que la MRC là, a un outil qu'elle doit entretenir et supporter. Et c'est ce qu'ils ont fait avec la décision qui a été prise à la MRC le 11 juillet dernier. OK. Martial, je veux te parler aussi de la semaine passée. Ben, j'ai écouté au 91.9, la station de sport à Montréal, ce matin, une entrevue avec le président des associations des clubs de golf du Québec. Évidemment, c'est pas facile. Là. C'est vraiment pas facile. On prétend même que plusieurs clubs vont fermer encore une fois. Il y en a 11 qui ont fermé l'année passée. Il y en a encore, on prévoit qu'il y a encore d'autres fermetures. Évidemment, on a beaucoup de difficultés à renouveler sa clientèle, passer du junior. Évidemment, la demande est très forte. Cette année, je trouve que vous faites une job incroyable. Vous avez un nouveau compétiteur, le Deck Hockey, c'est un prime qui est vraiment très fort. Le gars pointait la commission Charbonneau et également la société d'hypothèques et de logements pour évidemment expliquer ces baisses. Est-ce que vous autres au club, depuis la commission Charbonneau, je sais qu'il y a eu une ancienne administration, mais vous devez avoir quand même quelque part les chiffres pareils. Là. Est-ce que ça ennuie beaucoup? Non, moi je pense pas que ça soit directement lié à la commission Charbonneau. C'est que le golf, comme tous les autres sports qui sont considérés sports loisirs en même temps, ont une vie cyclique et là, on a pogné un creux de vague. Et c'est vrai qu'il y a des clubs, le membership diminue. La façon de jouer au golf, les adeptes de golf, c'est plus la même chose qu'avant. Avant ça, tu avais un sentiment d'appartenance à un club. Maintenant, les gens veulent jouer un petit peu partout. Donc, faut modifier un petit peu notre offre. Puis je suis très conscient que d'ici quelques années, il va y avoir plus de revenus qui vont être créés par les journaliers que par nos propres membres. Donc, faut s'adapter à ça, faut trouver des nouvelles solutions, faut être attractif. Puis, je pense qu'on va passer au travers. Puis, c'est vrai qu'il va probablement avoir 20 % des clubs qui vont fermer dans les 10 prochaines années. Mais ça fait partie, il y a des salons de quilles qui ont fermé aussi, toutes sortes de choses qu'on voit qui sont cycliques. Mais nous, on travaille beaucoup sur la relève, donc beaucoup de juniors, 69 mardi passé, qui étaient des jeunes juniors qui étaient là. Donc, tu sais, on va continuer à investir dans le sport, puis espérons que ça va faire des nouveaux membres, sinon des adeptes ou des gens à forfait qui vont jouer 10-12 games par année. Mais si on en a 200 qui jouent 10-12 games par année, ben, ça vaut quelques membres aussi. Là. Ben, c'est ça, puis à quelque part, c'est même plus payant. Pas une question de rentabilité, mais tu sais, je pense qu'il faut faire connaître le sport, faut le rendre accessible, faut être accueillant, faut être tolérant, puis faut aussi avoir des gens qui vont montrer le sport à d'autres qui sont plus débutants, les accompagner pour pas les laisser seuls sur un terrain qui savent pas trop où s'enligner maintenant. Là, il y a quand même un rythme de jeu que les gens doivent jouer, mais nous on a dit faut être tolérant, chacun son rythme. Et quand on a un terrain qui n'est pas full toute la journée, ben, je pense qu'on peut se permettre d'être beaucoup plus tolérant, plus accessible aussi pour les débutants. OK. Y a-t-il quelque chose, je ne sais pas si c'est peut-être pas au courant, y a-t-il un trou d'un coup qui s'est fait cette semaine? Y a-t-il une prestation? Non? Ouais, il y en a eu un au 15e qui a été fait la semaine passée, je pense, par qui avait Gabriel. Par qui? Je pense que c'est Gabriel Kurtnus qui l'a fait. Okay. Mais là, pour l'instant, là, je pense que le 6 est encore vierge au nouveau trou d'un coup. Notre nouveau trou, là, finalement. Ben, Martial, m'as-tu souhaité des bonnes vacances, puisque je sais que tu pars en vacances très, très bientôt. La chronique va se poursuivre avec Gilles au cours des prochaines semaines. Puis bravo, encore une fois, à l'organisation du club de golf de Saint-Prime pour le Saint-Prime Open. Ben, merci beaucoup, Denis. Bonne fin de journée à tous les auditeurs. Le président du club de golf de Saint-Prime, Martial Bouchard.